Papillon volé. C'est volé qu'aïni pour voler. Plais quoi. On prend un volé fait papillon là. Si c'est la yang à voyager, si planète là. Pas d'enfoiré, les mains dérisées pour marcher, mais déjà. J'ai un moins capable de conduire ma boca. Après l'envolé, ben papillon là. Pas flippé si ou pas vraiment souvent la riguada. En mission, moi y est qu'on reggae ambassadeur. Tout côté, moi aïe, c'est pour promo de racine là. Yo dit quoi dans ces papillons, oui, avec un papillon, il pour voler. Alors, en cas d'accord, prends papillon là et fais voler. En cas, en moins, en pas des gens qui aiment stagner. Mais bien, j'aime si vous la planète en TV traverser. Toucher différents et partager qu'il t'il à tout côté. Qu'il y ait des saves. J'en y ai qu'à voir nous en Guinée. Qu'il y ait des saves si vous connaître nous en Calédonie. Qu'il y ait des saves si vous connaître nous si les Maronis. Qu'il y ait des saves si vous te saves. À la base, Guada, c'était une colonie. Avec un départementalisé, nous qui fait si jodi. Nous pas ni autonomie, on prend l'envolé vers papillon là. Si c'est là qu'on a voyagé, si planète là. Pas d'avoir les matériels, c'est pour marcher, mais déjà. J'ai des moins capables de conduire ma boca. On prend l'envolé vers papillon là. Tout côté, moi, à la raison, j'ai guada. En mission, moi, y est qu'on reggae ambassadeur. Qu'on reggae ambassadeur. Yo, apadada, qu'on dirait admiralty. Ces jeunes l'avex, eve, yo même bien écrit. Les cajalou, n'est que pour anti-habiter, yo tini, y'a pas guada. Tout seul, ça qu'a fait, c'est la même Guyane. Nous Martinique, c'est petit, il a moins aimé, mais puis ça gagne, puis ça critique. Si y'a pas grève, si y'a pas crime, c'est corruption politique. C'est petit, il a belle, yo t'es petit, image, et tout de suite, pour fonctionner si les tropiques. Papillon là, si c'est là, y'a qu'à voyager, si planète là. Pas d'avoir les matériels, c'est pour marcher, mais tcha. J'ai un moins capable de conduire ma boca. En prenant l'envolé, mes papillons là. Pas plus précieux, pas vraiment souvent la vie, guada. En mission, moi, y'a qu'on veut de l'ambassadeur. Tout côté, moi, aïe, c'est pour promouvoir la scène là. Hey, c'est si c'est là, y'a qu'à voler. Il faut avoir différents paysages. Tout côté, moi, qu'à songer. Manion qu'il dit en héritage. Si vous êtes le beau qui t'y place la victoire, marchez en masse la FVA qui y'a là. Session sous Clovaldo ou Saint-Éloi. Samedi midi, j'en sors rendez-vous au Wagokala, Wokafin. Piquez y'a tête encore au sol là. Songez les premiers freestyles, si bas à point, c'est tcha. Premier franc pour mec là, un camembert, un manquet tout là. Ces jours là, ça a compris, ça a pas tiqué. Dernier fois, Mardi Gras, oui, c'est un DJ si tous ces sites là. Songez les sons nègres radicales, freedom son la comida. Ou t'en pas contre le moyen, parce que le mec a caché plein. Ça qui te l'a, mais t'es manié ça, y'en qu'a dit là. On save là, on sortie. Bah sinon, moi c'est Africa. Tout le côté, moi m'passe. Moi qu'a volé y'a papillon là. On prend l'envolé, fait papillon là. Si c'est là, y'en qu'a voyagé, si planète là. Vous êtes dans Kononobi, musique jeudi, avec moi-même EDS. Et on a pris l'envol, nous prend l'envol, et fait papillon là, avec le petit papillon. Le titre était de Tiwoni, son album Roots Rebelle. Vient de sortir et on rappelle que Musique Jeudi, c'est panorama des musiques créoles, contemporaines, Martinique, Guadeloupe et on va rester sur une petite couleur acoustique avec un titre de l'année 2014 qu'on n'a pas eu le temps de jouer dans l'émission et qu'on va vous jouer là tout de suite, c'est le nouveau Stevie Mahi Bandit en préparation de son album. Parole que au plat, dis-moi, quand empêcher moi dormir 26 et matin. Bandit ou anti-bitin. Mon yon j'en gagate moi. Avant moi yon vile veille avec ou les matins. J'ai envie de croire en notre histoire. Je ne mets plus de phare pour que tu me vois. Chaque parole de toi coule sur moi comme une grâce. Ta grâce, tu me fais rêver, vibrer. Tu m'apprends à aimer. Vibrer. Chez moi dans mes vents si c'est matin. Bandit ou anti-bitin. Ou ni en j'en caca témoin. Qui l'aille. J'allais pour nous passer à l'aimer. Qui l'aille. Qui l'aille. J'allais pour nous baisser à qu'il est. L'année qui a passé, rien pas changé. Nous toutes nous j'ai grandi. Et combien j'ai tombé, d'autant t'es qu'à pourri. Et certains qu'a rangé. Yo di vi an nou foutu, avec l'esprit an nou j'a mangé. Naviguer à dans vieux la mer, bateau la ka tangé. Yo pas sav san ni an kè an mwen, et pourtant yo la ka palé. Village a choué ner an mwen, c'est pour ça men la ka tremblé. On rêve qui anéanti, et qu'elle a fin pas assombri. Mais dis moi qui tant que prend sommeil. On peut pas croire dans l'être humain, non peut pas faire à rien ban moins. Laissez-moi en pas bizen moun, préférer faire à tête en moins. C'est moi tout seul qui paye tout. Maman dit moi, plus qu'a grandi pour qu'a son papa. Plus l'an de qu'a passé, plus nous pas qu'a vrai l'amour en zéro. Ou pas plus mauvais qui en d'autres si moun, dis moi qu'a maman peut faire bao. Plus essaye garder, puis nous pas savent qu'est passé en tête en. Maman dit moi. Plus qu'à grandir, plus qu'à s'en papa. Plus l'on est capable, puis nous pas qu'à vouer l'amour en zéro. Ou pas plus mauvais qui en d'autres, si moun, si moun, qu'à maman peut faire bon. Plus essayer garder, puis nous pas savoir qu'est passé en tête. La joie a monté, songez ou pas tout seul. Jordan savait ça ou qu'a fait, songez qu'est ou ni un petit frère de yé. En ça vous s'en foutez, rien pas qu'à chen vous à ke. Mais les la justice que marie ou à pas vous, mais moi qui ke souffert. Ou toujours en la rue, zami ke foué ou en batte. Moi même pas levé en bandit, demain cherché en bite pour faire. Moun j'a dit moi ke ou en vie messe, en vie pas voye fleur cimetière. En vie pas rien à pour moun, pour l'instant toujours des merdes moi. Petit en zé a ou yen qui nous essaie. Les en rapalo pa katan ayen, chimè la ou pran pa ni retou. A danse a renvote japet, ou sa si frère ou ka kopye tout. Donc le il a songé son ka fè. Maman dit moi, plus ka grandi pou ka san papa. Plus l'an de ka pas. Maman dit moi, Tikim G, on vous a dit musique jeudi, on va vous faire voyager dans plein de sélections de musique actuelle de Martinique, de Guadeloupe. À l'instant, Tikim G, révélation d'un seul Guadeloupéen. Et plus encore, allez chercher ça, Maman dit moins. Le clip est disponible et on va alourdir un peu le tempo avec un son extrait du nouvel album de Débrouillard, le titre Songez tout de suite. On dieu, un garçon, je l'ai batté, ni buzz. Lui blanche, différent bif, qui nous est parlé de tout chargé au black. Transpiré, attendre les valises, les derniers cafés, les moyens à vide. Les premiers 10 000, brille les refaits, discret, compliqué, civil. Les premiers mix, c'est son j'ai Jackie. Elle va nous monter CMD, yeah. CMD. On va gagner au loto, je sais faire plaisir. On va coûter mon gagne, pas pour héritage. La main t'a roulé un mégane, ni un service. Son j'ai l'acheté un typhoon, un T-Max, un espèce. Un garçon j'ai mon t'es préféré faire paix. Qui respecte avec AOV, un deal. Vie un nous presque en film, nous pas acteur mais réalisateur. Ouais, son avis nous presque en hymne. Elle va être à cartouner vite. Les vrais quand 30 minutes, ou pas toucher des payes à 4 chiffres. Qu'on code pin, un garçon j'ai nous fait pas payer par le fuck la Fnac. Elle va les rabatter. Un garçon j'ai première fois en bas public, en moins bien. I'm from Guadeloupe. I'm from Guadeloupe. I'm from Guadeloupe. I'm from Guadeloupe. Ja, tante y avait succès en bas, y'a un premier timoun qui fait y'a 17. Un car monté 6-7. Bébé y'a bon magicien ou PS à l'éwe. Qu'on logiciel. Ou car monté 6-7. Un car, yeah. Fait un L qu'on cavalier. Échec et matin c'est un guillet. La reste un cavalier, yeah. Hip hop la ni me note. Un c'est un clé qui j'a. Ouvert comme mes potes, yeah. Un calagé t'as la bitch un mouet qu'a roulé, ouais. Un connaît mentalité à un tillé. Faut ou fait bon, c'est négo la tiré. Yeah, mon petit bruit chaque semaine. J'ai dit qu'on courit l'idée. Un cas fort plaisir. Un cas sous, un cas fort en plus. Yeah, yeah, yeah. Et un cas rapide. I'm from Guadeloupe. I'm from Guadeloupe. I'm from Guadeloupe. I'm from Guadeloupe. I'm from Guadeloupe. I'm from Guadeloupe. I'm from Guadeloupe. I'm from. So that's Tiger in his town. Me a tell them, on va éloigner les enfants, on va coucher les gosses. Histoire de prendre le temps de bien traiter l'anecdote. On pourrait faire ça doucement, mais je crois que la chose me force. Donc lyrics la paquet, conscient parole la paquet. Pourquoi pas expliquer l'abîme en ce paquet. Forcément doit les pour parler franchement. Mon quoi la bête qu'on drogue. Mon bisou en basse car on flé, mon jumpy en one job à la boucle. Mon chasse, mon babé one shot. Oui, mon irritable, mon clon caron. Mon sauté tout ça, mon pas fait assez. Ma carisque du fait trop. Abîmant slurique à l'épanouissement. Par le temps, c'est des yestime. Mon est saïe qu'on mal. Pas méridime la maquet abîmé. Maquet abîmé. Pas comprendre ma cage, je vais ma cage abîmée. Mon Dieu, Seigneur, c'est abîmé, ma cage abîmée. Si gros, c'est pas épi, ma cage, je vais bombo, ma cage abîmée, ma cage abîmée. Pas comprendre ma cage, je vais ma cage. Mon Dieu, Seigneur, c'est abîmé, ma cage abîmée. Mi a tel de ma gaine. En jeune chrétien, pas obligé de faire un homme sot. Mais qui ça, on le fait, là, mon enfant du pop-coy. Les bras du coy, mignon, coy, carcon, qu'on pop-con. Coy, ça va, qui manie, pour y ça, on en fond folle. Il peut trouver le point, j'ai comme sur les camps du tom-tom. J'ai dit qu'on a crié mon madengo de dom-tom. J'ai kiffé en masse, il fait qu'on tourne vol-pon. Mais pas dit que ça va vrai pas, non, non, pas encore. Mais qu'on l'a menté imbécile, qu'à soi disant gère toute femme. Il est tellement de la paix, il est un point en tout sens. C'est sportif en sexualité qui s'en s'écraser toute chambre. Mais le joyeux qu'on nomme, quel résultat? Et on soit aïe de sortie, il veut papa, j'ai rien. Il veut battre du lambi, il veut attendre la viande. Ça qui vous pique et prie qu'à manger, ça y joigne. Excusez-moi ce lexique à l'élégance, c'est certaine. 3 heures qu'il est dans la boîte, 3 heures qu'il marche dans la salle. Il a tapissé sur le zouk et dansé seul son dance. Donc, plus rien à foutre, il va se déchirer au stone jusqu'à tomber sur une mille from dans Cougar. Tourner comme l'alcool donne des ennemis à bord. Des mounes en flap, la personne s'appelle Ghislaine, 52 ans, le 24. Toute jeune divorcée après 15 ans de mariage. Nous pas un coup à côté, l'archétype de la femme sage. Mais comme pour nous, c'est acté d'après, il paie pas pour. Moi, je crois que j'ai envie de toi, mon confort de ton corps. Elle va rigoler, elle va faire semblant d'être conne, laissant parler de tel et de numéro de chambre. Arrivé sur les lieux, le bougre est hésitant. Elle va prendre les choses en main, se faisant caressant. Parle du fantasme de l'homme objet tout en l'air. Quand t'es en secret, tu connais? Ouais. Eh ben, tu seras pas question. Femme l'a abîmé, y abîmé. Pas comprendre qu'il y a un joueur, puis non, y abîmé. Bon Dieu, Seigneur, c'est abîmé, y abîmé. Dès qu'on te bat, puis qu'il y a un joueur, bon goal. C'est abîmé, femme l'a abîmé. Pas comprendre qu'il y a un joueur, puis non, y abîmé. Bon Dieu, Seigneur, c'est abîmé, y abîmé. Mia Delema. Tout le monde organisateur, tout le monde dans l'événementiel, c'est ça qu'a battu, Elma. Les gars, chefs de projet, spécialistes en gars. Non mais c'est pas ça seulement. Où qu'il y a 15 artistes, où m'a des 5 DJ. Puis là avec piscine, ma yoda ben hep si je. Une vingtaine de vigiles, c'est où qu'a dirigé. Mais quand il a presse, vite donc bilan mitigé. Pourtant les DJ au platine et les artistes la cachoué. 60 ou dans le public et y'a toute la la cassoué. Bon là, quand tout n'est red ou pas, et des champagne frais. Ou du ou qu'est cherché la glace, mais tout poule, ça ça va vrai. En vigile colo et puis la caisse sous appli à ma douille. Je vais compter l'espèce, moi qui paye au après. Pour comprendre ça passe belle d'après ou presse chapé. L'auto garé à dans le coin, la première presse passée. Maintenant pour marrer cette IA, vigilance à battre. En premier calotte tombée ou battez même ton bipé. Vous allez faire nom la saille de 6 mois ou 2. Sous pas raison, j'ai sali même gay. Ah, il est abîmé, il est abîmé. Pas comprendre, il est j'ai pris, il est abîmé. Bon, j'ai c'est abîmé, il est abîmé. Jaloux, qui ça qui rivait bouglant en chambre là? Bon, on l'a attaché comme un chien, donc il est un peu hébété. Et comme chien, enfin, forcément, il est entêté. Il est, mais en face, tu sais, puis j'ai entêté. Chéri, détache-moi. C'est ça, il a répété. Comme l'an, pas qu'à rien. Il a complètement oui. Blanc, c'est un objet. Il y en a foutu, ça, il s'est bédi. Comme l'an, ça, il a fait une encyclopédie. Chaque label, il coûte très bien. Non, blanc a saisi. Pareil, la boue tellement, il a qu'à faire froid. Car soyons les cabanons, il a qu'à faire froid. Regardez-vous, non, s'il te plaît, achève-moi. Gros storytelling pour le retour de Paille sur la compile de DJ Jill Azayam. Grosse sélection dancehall. Et on va changer de style avec, parce qu'il y a plusieurs, évidemment, plusieurs couleurs musicales, avec un single qui vient de sortir de Chico Simeone avec Mimi Nelzi. Même bitin, même bagaille. On écoute ça tout de suite. Cassant, qu'à des gens nous cassant. Pina. Mi pel pays nèg. Ah. Ni soleil, même si ni corruption glisse. Passe politicien, si mais quitte nous maté bis. Ni ça qui la jol, ni ça qui pas j'en aller. Ni ça qui j'en aller, et d'autres qui peke jamais aller. Où ça? Ni ça qui ni en trip, mettez le genou poche yo. Ni ça qui ka tripe, foutez la jambe ou en poche yo. Ni ça qui a fonctionné, d'autres qui pas ou en conyen. Ti manzel, qu'on s'abeille, fait miel. Ni maman, ni man, ek miss. Ni mam, ni tonton, ni papa, ek ish. Ni métis, ek métis. Qu'on bon nèg enragé, ni la joie, bon nèg sagesse, même les ni l'orage. Ni en l'autre manie vivant les tila témoin. Ni ma crélage qu'on conne bif, car il est pissé que ton moins ni dilé, ni volé, ni soldat, ni guerrier, ni sirès, et sérieux, va yo respect, yo représente. Nina, la témoin, racine moi, même si ou ça rend moins fou. Nina, la témoin, racine moi, ou ça va nous bon l'amour tout. Nina, la témoin, racine moi. Même si ou jabba moi un coup, ni en vague, je peux pas tester ça. Authentique aussi ne vole jigoya. Pays moi, ni zap, la nati, l'ambier poisson. Ni haïtien, ni arabe, ni nèg marron, ni nèg blanc, nèg blé, pied noué. Ni toute nation, et bêche qu'a pollué la vie, nèg qu'au poison. Nèg, mi nèg, pas gade yo, yo nèg. Pourtant dis ça qui si me fait la jack, frère yo. Jol yo, serré, fermé, yo, hermétique. Qu'on s'y font la vaisselle plein de l'eau. Ni ça qu'a souris. Ni ça qui méchant, ni ça qui content la vie avec ça qui dément. Ni bad boys, ni grand moon, ni team of mine. Ni gros tech, qui grand moon, qui team moon. Ni ça qui jisque, avec ça qui croyant. Ni catholique, ni bouddhiste, ni musulman. Ni d'autres qui couillon, ni chez pieds les colons. Comme Ayouti, mais ni chez assiette, les labatelles fait bouillon. Ni chic thai, avec Tina l'amori. Ni ça qui avant nous coyo, pour tibre l'harmonie. Pas propre famille yo, avec chanté démocratie en papagaï la France, et gom gom, avec fizi. Atypiquement typique qui belle, natuel. Qu'on charnel, qu'a carré pour matériel, ni ça qui a crié imatnik. Yo dis où c'est miel, il n'y en sel, en sel. Qu'on en sel, soleil en ciel, ni ça qui savent, avec ça qui ignorant. Ni ça qui swag, et ça qui représente ciment. Ni ça qui ni, avec ça qui a mangé. Mandé, mandé, bon Dieu, pour tout ça fini. Éducation c'est la foi, c'est prier papa là. Songez dit merci pour richesse pays là. Ni morgue, ni corosol, papaye, maracuja. Ni colibri, fauvon, ni zandolier avec mabouya. Ni débouya, comme gangsta. Ça qui si me gagne shot, plutôt travail, va la poste là. Ni yé yé, yé yé, ni beau poilé. Ça qui aime goloto et qui ni faille tout pour foyer. Ni Malta, qui Lorraine, qui corset. Ni typical, soit typique, même si yo dit ou c'est français, c'est africain. Et qui aussi bonne sa cause, les nègres si mais en fond c'est nègre, on y gaffe en sortie. Nina, la témoin, racine moi, même si ou ça rend moi fou. Nina, la témoin, racine moi, ou ça bat nous bon l'amour tout. Nina, la témoin, racine moi, même si ou j'abat moi un coup, ni en vibe, je fais pas test, tout ça. Authentique aussi nos bols et gigoyables. Nini Rof, en toute manière, sorti Saint-Pierre, j'y Sainte-Marie. Vive Saint-Esprit, ni la job et les biggies n'est dormier aussi. Qu'on y la jet, les papis, si mes safari, si ni yon de pour en nous, ou pe fun. Nous j'a connaître ça qui passe à ouais nous, ni ça nous passe à ton yo, dis nous. Alors, fais un style, passe ni ça qui te fun, bouche ou boy, brille les poils ou down. PCO, mon Dieu merci, ni ça qui a prié, bah, même si ou fun nous, ni rat, éclat, ça qui grosse et chat. Et d'autres qui si me mettent taille en sac, ni top touriste. Toute qualité G, ça travaille, ni l'auto, passer l'auto. Et quand tu m'as dans tirage, ma bol à rocade. Ni la tocade, ma soldat, passer la pose, yon des graphes malades. Ni plan à manger, ni pomme cannelle. Toujours ni en l'eau des dangers. Compa bol à traînelle, ni bon ghetto. Depuis l'ennui tombé, fait concis et soweto. Ni junkies, carré, juste la batterie. Ni bombis, place la blende. Y'a qui gangster ou ça check là, les washiens. Ni en chou brave la cavonne, sa barre pour rien. Qui la volga, bonnet, la dinon ou pas la ta. Qui go dit ça, mon Gérald, corridon, juste ça joue pas. Ni aux anam, Jeanne d'Arc, la jambette et Tivoli. La belle M, Roche Carré, Texaco, Californie, ni ça là. Ni ça oulé, ni ça là. Pour ni, ni, si si, bon salade. Quand tout loulou laisse la bac, bon crabe, bon Nina, racine moins, pays moins. Tengoussan nous parle de son pays, la Martinique. Grosse sortie, hip-hop créole. Tout droit de Martinique, l'homme s'appelle Tengoussan, le titre Pays Moins, un big up au producteur du son qui s'appelle Exotic. Et l'album s'appelle Même Bête. Ça vient tout juste de sortir en janvier. Donc allez chercher ça. Et on va rester en hip-hop créole. Cette fois avec une toute nouvelle sortie. Même pas, c'est même pas encore sorti. Le groupe s'appelle Ishango Sound. Le son Zienzem. Et on rappelle Ishango Sound. C'est Manu Dishango et Jamal Finest. Tout de suite. Tant dit c'est ça ou kamande Ishango ça on est sans pour mener au fond garçon nous garçon de qui moun qui là compère mon nomel qui se deck mais ça dja dja bay non ouvre les celles qui mettent créateur à tout créateur si la terre car rend grâce mais pas oublier la matière le bâté nous cali livre car sa vie avec sa livre car chercher équilibre pour un peuple qui physiquement qui en tête peut être équilibre nous t'en parler de zes famille et toute mythologie nous quatre travail pour Ishango ni place en cosmogonie. Passé ni grec, voix clair. D'être ni africain, d'ailleurs, ça compte tout peuple si la terre. Nous, éthiopiens, Ishango Sound, son et science mathématique. Nous, ni chance faire musique, chance quitter mental et physique spirituelle. Science qu'un temps pour aller nous vendre, nous pas statique privilège. Souffrant souvent, paix à petit acclamé de guerre. Ishango Sound est touché par la grâce. Grand sage, fort et fier, tel un guerrier Maasai. Nous glorifions nos ancêtres, leur terre, c'est la CI. Microphone check, c'est mal ou ça, man, c'est là que je suis aïe, yo. Hard de vivre, musique, rien de plus à l'instant, fils. Seule la droiture et l'instruction des sages nous motivent. Mon faya sous ses insensés, prenant racine sans motif. Maîtrise totale de la rhétorique, je m'exprime. La lumière rayonne sous mon être, sous celui des scientifiques tismés. Dans le darkness, tous les mécréances dispersent. Et mes frères dispersent, et apprécient qu'on est sur ce type de lyrics. Tirant l'origine du speech du frère Hicks Malcolm de retour des pyramides d'Égypte. Suite logique, c'est Ishango Sound manifeste. Il s'agit du bon sens sur du soin intelligent dont garçon respect. Yo pas si pani yo pani nous ya mon yudo. C'est moula écrit, c'était ta bien chaud. Pour si kiki yo, adore en l'éto. En grève à essence, moun ta fait vitesse. C'est comme ça, ça y est, nous accélérer. Petit coup d'apprend, exemple si les gants. Pas fait, pour si, c'est pas au courant. 300 années, pas la peine chercher. Ni en l'obité, ou t'es expliqué. En décidé, check on y go. Fait y'a fait love, pas les maillots. la jeunesse en capre à l'un yo pas si pani yo pas ni nous y'a mon yolo pas des idées j'ai qu'on nous beau mais y'a fait l'offre pas des baillots si la jeunesse en capre à l'un yo pas si pani yo pas ni nous y'a mon yolo la famille faut nous parler parler bien parler parler ils ont bien compris que y'en là allez garder bien garder tant qu'à passer les mêmes y'a qu'à remplacer les mêmes y'a qu'à déplacer rush la casser l'histoire effacer tout ça passe vos gaz pas génie assez pas calas amassé v'est pas partager peut-être parce qu'il fait soleil pas qu'à lever c'est pour Guadeloupe you tout pour boire bout de souffle même si les coups de coude ça fait nous boire bout de souffle qui veut dire à bas les genoux que contre qu'était si pas nous pas nous c'est bâti frère tu sais on décide j'ai commis beau fait y'a vénor pas les baillots si la jeunesse en capre à deux yo pas si pas nous pas nous y'a mon yolo on décide j'ai commis beau fait y'a vénor pas les baillots si la jeunesse en capre à deux yo pas si pas nous y'a mon yolo on décide j'ai commis beau fait y'a vénor pas les baillots si la jeunesse en capre à deux yo pas si pas nous y'a mon yolo nous y'a mon yolo on décide j'ai commis beau fait y'a vénor pas les baillots si la jeunesse en capre à deux yo pas si pas nous y'a mon yolo Yaman, you know. Zot ki pou nou pran pey la. Zot ki demen ki li responsab. Zot ki ni tout fos la pon ya zot. Jenes Guadeloupe, jen Guadeloupe. Le rive pou zot pran konsyans. Mano Dishango, on l'a entendu dans deux sons différents juste avant avec son groupe Ishango Sound. Et on rappelle d'ailleurs que le refrain était chanté par Jazzy J, qu'on a eu le plaisir de recevoir dans Konenambi Music Jeudi il y a quelques temps. Et juste après, c'était Manu Dishango tout seul sur le titre Guadeloupe Youth, extrait du projet Exotisme Volume 2. Donc allez chercher ça. Ça, c'est comme le titre Dishango Sound qui est gratuit, donc il faut un peu chercher sur le net. Et Mano Dishango, son projet est en libre téléchargement sur plusieurs productions américaines, canadiennes. Voilà, beaucoup d'expérimentations, de flow, beaucoup de propositions. Le hip-hop créole continue d'avancer. Et d'ailleurs, on va écouter un son inédit proposé par Jean-Luc Poya, le titre Fiona. Si on femme au foyer, et puis c'est qu'on boumi c'est la caraille. Les vrais amoureux c'est qu'elle boucle la maillée. Ils disent pas bise pour ma coupe pour payer en loyer. Ils disent pas bise pour acheter au cahier. Pour si vous n'avez une couille pour m'étailler. Ils connaissent la billet, ils connaissent maquiller. En mode ni mes points, moi les connards arrivés. Si on a mes belles boucles, mes belles boucles pas aimées. Le calaille que photo aimé qui chien qui pas échappé. Ils dépendent les quand ils vont boucler qui cabouillé. Tous les amis ont signé qui la jolie au cabouillé. Papa si mon aïe c'est contre ma caille, il reste qui est. J'ai madame aïe dictionnaire, laissez respirer. Je t'ai déjà parlé, mais c'est vicié et mes soucis. Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Bayou préchauffement, pas bayon shrek. Bayon gros l'argent, bayon gros chèque. Yé, mais nous m'a gantou, nous m'a gantek. Nous m'a gopek, nous m'a kiné tête. Écoute, nous depuis les vacances, nous m'a capon bête. Y comprend que j'explique, c'est ton marque à la jet. Shrek, bah bon, bah, m'a m'zèle vie, on dot non. Y j'ai la smanche, j'ai carotte avec mon con. Y en joue à charming, mais pas carré con. Pour être la carif, Fiona pas à Nyon. Fiona. Fiona. Fiona. Fiona. Fiona. Fiona, ah, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, yeah, Fiona, Fiona, yeah, Fiona, Fiona. Fiona aimait les beaux gosses raffinés. Mais nique là son vieille femme qui catapine. Puis grand rêve à maman s'est maillé. Avec Charming, mais est-ce que Charming plaît? Il a fait la gym, il a fait régime. Il a fait jogging pour tac les Charming. Les Fiona amoureux, mais c'est ça qu'on filme. Faut pour y'a capu qui essayait des légumes. Dit que j'ai que maman si aussi, ça paraît éveil. Faut pas ni confiance à temps ou qu'est-ce qu'on s'y avait. Regardez comme ça, maman s'est craqué. Si t'es lyriciste, il t'est craqué. Problème là, c'est qu'il est trop hystérique. Il a comporté complètement historique. Je crois quand tu vois, mais s'en foutait. Missier qu'a dégoûté. C'est Charming Yvé, mais Charming a trouvé trop mal élevé. Fiona, Fiona, mets de l'eau en du meilleur. Fiona, Fiona, mets de l'eau en du meilleur. Fiona, Fiona, mets de l'eau en du meilleur. Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, mets l'eau en duveau. Fiona, Fiona, mets l'eau en duveau. Fiona, Fiona, mets l'eau en duveau. Fiona, Fiona, Fiona, Fiona, Fiona. Un peu de up tempo. Dans Colombie Musique Jeudi, comme me disait la voix à l'instant, on rappelle, c'était Jean-Luc Poya. Et maintenant, bah après toutes ces petites sélections, aller chercher et fouiller un petit peu, plein de sons d'ailleurs gratuits sur le net, mais aussi des sons que les artistes nous envoient très généreusement. On les remercie pour ça. Et on va vous faire découvrir quelques projets, le temps de deux titres à chaque fois. On va commencer avec une mixtape gratuite à aller chercher encore une fois sur le net. Et il s'agit d'un gros projet, c'est General Crew. Le Général Crew, Admiralty, Kalash et quelques invités, notamment Saïk Damo, ce qu'on va entendre dans quelques instants. Admiralty qui a sorti son album I Am Christy Campbell et qui quand même a donné une autre version beaucoup plus énergique sur General Crew. Ah, on va écouter ça tout de suite. So High, premier extrait. Nous cabisez la lait, c'est vie avec son bas, les autres cavés. Non, nous pas dit d'en raconter blabla, non, nous pas là pour blabla. T'es que tu veux l'espoir, et puis la foi, bah ça y va, n'est ou ça bien. Car nous avons ça depuis des paquettes l'année. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Oh, nous sommes nous authentiques, mais c'est, eh, nous pas qu'à oublier. Et là que nous sortis. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Et veuille l'envoi, hashtag, je sais, à pas, c'est nous fallons qu'à faire pas qu'à rigresser. Toujours qu'à chanter, bah les opprimés, bah les réprimés, bah les oppressés. Pas mon qui stressé, pas les j'ai blessé. C'est oh, aïe, General Crew, so high. Nous signer, mais y'a bonnement, nous pas qu'à résilier. Celle-là comme nous réflexion et l'idée. Et mon sous sans hésiter. La vie là son poème, nous qu'à réciter. Radio tous les jours, nous signons ring. Oui, le sling, et nous qu'à chanter avec cœur, nous qu'on rime. Nous aimons ce sens, son faux aller la ligne. Les sans nous qu'on thérapie. Nous veut toucher sommet à la pyramide. Et ça depuis long time, good boy. Nous qu'à faire musique et fait du sale good vibes. Original là, qui touche pas tout style. Et vers son beau fly, ouais. Nous j'en connais qui nous aille. Yeah. Sous pour moi, qu'à faire me danser si le lève. Nous ni la valeur, nous bâillons le level. Si mon papa toujours qu'est brille le devil. General coup toujours able. Essaye de maca, cache ni go. Vice pour nous chayer riche qu'au pauvre. Pas de spirit ailleurs, tout game over. Chanter pour un peuple ni la vie sauf. L'instant animal, même le haut pays ni mal. La guerre, l'avant à follower pour ça il n'y fall. Vice c'est l'amitié d'égal à égal. Allez au sapa qui en général. Bon Dieu fait nous, à image à édifice. L'amour à émise, mais c'est ça nous qu'a fait. Y'a qui la j'ai et puis bataille, vengeance et représailles, mais c'est ça nous qu'a fait. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fille et puis nous, nous qu'a égoumé pour un monde, yeah. Tant vive à dans fuckery. Musique en chahé, love en chahé. Faut ça l'almighty aïe. La guide nous à dans la vie. Et nous la capricé, yo nous déterminé. Ça qu'on double vérité. New business fly, yo nous aïe. General Crew style. On s'est Kalash, artiste incontournable pour qui que ce soit qui est passé en Martinique ou en Guadeloupe en soirée ces derniers temps. Et ça fait plaisir d'entendre Admiralty, on peut le dire. C'est dans du pur dancehall. Et on va enchaîner avec un titre qui nous fait plaisir parce qu'il parle en fait d'un problème, d'une mode qu'on n'aurait pas cru arriver aux Antilles, celle de la drogue dure. Le titre s'appelle Farine et pour moi une très bonne réponse à tout ce mouvement qui touche d'ailleurs le dancehall et le rap de façon assez triste. On enchaîne ça à Farine tout de suite. Madame, c'est... my god, do you batin' the limit of your mama child? Come and never my god, do you batin' the limit of your mama child? Come and never my god, do you batin' the limit of your mama child? Come and never my god, do you batin' the limit? Boom, yeah, fagin', depuis affliction, man, carole, fagin', on a montana, la carole, you. I saw me sing, say, what about it? What about it? Fagin' on the yard, you carole, you toot, my lad. What about it? What about it? T'as senti comme pi bad bad Paris de rendre fou un contre l'ac Pi mauvais qui s'adam ou Paris de cet adam Des yeux vite mon poche pour chaque année Madame C'était à part Marie-Jeanne Au fil à peau, aux choses fines à peau Tout l'argent la finale d'un fariné au fil malade À peau, aux choses fines à peau Madame, c'était à part Marie-Jeanne. Au fil à peau, aux choses fines à peau. Tout l'argent, la finale, la farine est au fil malade. À peau, aux choses fines à peau. Combien de fois mon gars dit yo patini limite en voyo en bas de chat là? C'est ce que nous dit Admiral T et on va le dédicacer spécialement à tous les artistes trap qui nous disent à peu près n'importe quoi en Martinique, en Guadeloupe et juste pour dire à leurs auditeurs qu'on n'est pas obligé de tout accepter, de tout apprécier. Voilà, donc on va enchaîner avec un autre style, un album qui s'appelle Musica Negra. L'album est de Nicky Lars et c'est un album, comme son nom l'indique, Musica Negra, Black Music, musique noire, qui voyage beaucoup, mais nous on va se concentrer sur une escale en particulier avec deux titres sur lesquels on voit en featuring Celia Wa. On écoute ça tout de suite. C'est facile à mener les ouvriers noirs. Oui, le noir c'est comme un enfant, il faut être juste. On obtient ce qu'on veut. Continue qui est orphelin chez moi, en bas à maman. Chaye moi l'autre côté de l'eau. Moi pété, j'en ouvre maman. Afrique, courir devant aïe pour y voir mon grandir. Maman, même si moi pas ouvre encore, tu me n'en moi un jour que vivre. Et que vivre. Et que vivre. L'album Nicky Lars, Musica Negra, on vous conseille d'aller chercher ça. C'était à l'instant, on a entendu en featuring avec Celia Wa à la fois, la première fois au chant, la deuxième fois elle était à la flûte. L'album existe également en vinyle, donc allez sur la page Bandcamp, je crois que c'est Doing It Music, le nom du label. Et il y a beaucoup de choses à prendre sur cet album. On va changer de style avec un album important de l'année 2014, personnellement, un de mes albums préférés de l'année. L'album s'appelle Dangerez, l'artiste s'appelle Sway. On écoute tout de suite un premier extrait. Les femmes ne mordent pas, nous pas qu'à moder, c'est ce que nous dit Sway. Le clip vient tout juste de sortir, l'album s'appelle Dangerez. On salue le travail à la production de Fantomix qui réalise l'essentiel des riddims et on enchaîne avec Dangerez. Le titre est... Hey yo, Fanta. Y a des femmes qui prennent ce qu'elles veulent et tout ce qu'elles veulent, on le leur donne. Non, mais moi pas sans dangereuse. vénère, moi qu'à cause des bons dégâts, et yo aime ça. Des fonds qui ont j'entends gérer. Café, yo bet baggy, bet money, bet funny, yep, yep. Non, ma mère, moi pas sans danger. Vénère, moi qu'à cause des bons dégâts, et yo aime ça. Des fonds qui ont j'entends gérer. Café, yo bet baggy, bet money, bet funny, yep, yep. Yo aime ça. Manipulatrice, véritable actrice, dotée d'un corps de tentatrice, mon charme te laisse des cicatrices. Appelle-moi usurpatrice, de sentiments qui te mettront en pièces. Appelle-moi vice, falsificatrice, de belles promesses. Passant par quatre non sans potentiel, n'en bouge pas rien, à pas l'essentiel. Débile, ça amène-moi en ciel, après ça c'est direction le présidentiel. Va vite, check-moi, si ou pas ni pour, voilà. On veut rouler en mi-temps qu'on voilà. Vénérer sans cabré en mi, voilà. Non, ma mère, vous pouvez vénère, moi qu'à cause des bons dégâts, et yo aime ça. Des fonds qui ont j'entends gérer. Café, yo bet bag, bet money, bet money, yep, yep. Non, ma mère, moi pas sans danger. Vénère, moi qu'à cause des bons dégâts, et yo aime ça. Des fonds qui ont j'entends gérer. Café, yo bet bag, bet money, bet money, yep, yep. Yo aime ça. Opportuniste, le top du top des carriéristes. J'ai la fibre vampiriste. Je suis une spécialiste. Aucune proie ne me résiste. Lorsque j'arrive, je brouille les pistes. Tu es à moi, exit la famille, les amis. Moi seul doit exister. Idio, Paris t'es là. Si you aime, Paris t'es là. Passe en Paris, pour vous mettre là. Et ça caille fine en plus j'ai là. Un Kenraz et tout ça, il fait pas un shilling. D'arriver là, yo pas savent qui nous noyé. Pas savent c'est ça, nous me met. Appelle-moi manipulatrice. Dans les focus ce mois-ci, donc musique jeudi, on vous a présenté différents albums. Allez chercher ça, allez écouter. On va terminer en vous faisant découvrir l'album Amertune, Amertune de Cacophony Beatmaker en combinaison avec Maj Traffic, aka Traffic Jam. Il s'agit d'un projet qui va déterrer plusieurs sons qu'ils avaient réalisés il y a plusieurs années de cela, mais en fait ils en ont refait un nouveau package, un nouveau son, donc voilà, à la fois actuel avec la sonorité d'il y a quelques temps et des titres remplis d'amertume, on va dire Maj Traffic à son meilleur, et on va commencer tout de suite avec Déprime sous le soleil. Mais comment dire mieux? Tu me manques comme une zeb a besoin d'un feu. Je sais à la plage et les filles, elles me couillonnent, elles se disent cochonnes. Et quand tu les frôles, elles crient au viol. Bref, je vois ta tête partout et entends ton nom. On me dit victime d'une fixation. Il paraît que t'as maigri et pâli. Je t'ai connu jolie. Ne me déçois pas, on fera des folies. J'ai bien envie de prendre l'avion, mais je n'ai pas un rond. Alors reste ici et tourneront comme un con. Le temps que tu reviennes à la maison, mais défile les saisons et je ne te vois qu'en illusion. Masque ma peine en rappant salement dans les sessions. Mais ils ont tous grillé le truc, j'ai plus de motivation. Maintenant c'est café noir, force en sucré chaud. T'es parti avec tout le sirop. Elle est heureuse sous un ciel gris, et je déprime sous le soleil. Va comprendre quelque chose dans tout ce bordel. Elle est heureuse sous un ciel gris, et je déprime sous le soleil. Va comprendre quelque chose, plus rien n'est pareil. Elle est heureuse sous un ciel gris, et je déprime sous le soleil. Va comprendre quelque chose dans tout ce bordel. Elle est heureuse sous un ciel gris, et je déprime sous le soleil. Va comprendre quelque chose. Comme t'aimes les hommes qui pleurent, j'épluche des oignons. Sans toi je m'amuse jaune et claque du pognon. Souvent on m'invite en soirée, je me force à y aller. Et t'imagines te faire draguer par des enfoirés. J'espère que tu mets plus tes jeans sexy. Enfile des pulls et des doudounes, tu me diras merci. On t'emmerdera peut-être moins, et moi je serai mon chien. Mon côté je suis fidèle, non mentir c'est pas bien. J'ai envie de te revoir et pas qu'en peinture. T'en as dans la tête et t'es habile sous la ceinture. Ta voix au téléphone, je l'ai enregistré sur magnétophone. La passe en boucle comme un excellent album. Y'a pas photo, quand je revois vois nos vidéos. J'ai la nostalgie qui remonte au cerveau. Reviens, je t'emmènerai à l'hôtel Méridien. À flot, coup de rond, champagne et grand vin. Gros poil, Limbé version hip-hop avec Maj, Trafic, Cacophonie. Le projet Amertume est disponible sur le Bandcamp de Cacophonie, Cacophonie avec 2K. Et on va encore entendre un petit extrait avec le chant du cygne d'un artiste sur le titre Légende urbaine. Commencer par ne rien connaître à la musique, avoir l'oreille et le sens de la rythmique, se sentir inutile de ses 10 doigts, découvrir le rap sur un trottoir, se dire qu'il n'est jamais trop tard, venir de nulle part, travailler son art, laisser passer les années jusqu'à attirer les regards, monter sur scène, y mettre son cœur et ses entrailles, gagner le respect dans le milieu à chaque freestyle, ouvrir le livre de l'histoire, écrire sa rage et ses espoirs, trouver dans son désert de l'or noir, le faire jaillir jusqu'à éclabousser l'auditoire, le toucher, ses ennemis émouvoir, rêver d'un jour côtoyer gloire et pouvoir, enfin le bout du tunnel entrevoir, avoir une aura autour de soi, se mettre à dos la famille qui ne conçoit que rarement le choix de tout larguer pour peut-être une éphémère popularité, mais continuer malgré tout, s'approprier la foule, en profiter de peur que tout ne s'écroule. Rater peut-être la chance de sa vie, mais au diable le reste, avoir sa voix sur vinyle, vendre ses disques plus que l'on ne l'espérait, remercier Dieu autant de fois que l'on peut respirer, envoyer des âmes au cimetière des MC. Con Lambi, musique jeudi, panorama des musiques actuelles de Martinique, de Guadeloupe. On a passé une petite heure ensemble, on vous a fait découvrir beaucoup de nouveautés, hip-hop, soul, dancehall, reggae, plus encore. Et on vous invite toujours à taper le nom, retenir déjà le nom de tous ces artistes, taper leur nom et aller chercher beaucoup de projets à la fois en vente ou gratuits. La musique de nos îles est riche, alors on cherche à vous la faire connaître et on vous donne rendez-vous le premier dimanche de chaque mois. Donc on se retrouve le premier dimanche du mois de mars de 16h à 17h sur Radio FPP 106.3. Avoir raison, prendre la grosse tête, parler d'undercover en rêvant d'une corvette, dépendre des médias et de l'argent, goûter à l'or et en vouloir dorénavant, ne plus avoir l'efficacité d'avant, perdre l'œil du tigre, se débattre dans le néant, faire la déception d'un public passionné, gagner la tranche d'âge primaire et lycée, ne rien comprendre de ce qui arrive, se sentir partir peu à peu à la dérive.